Bonjour à tous, nous sommes mardi, il est actuellement 21h, vous écoutez le Nouvel Explorateur sur Radio Fadjet. Malheureusement, l'exposition sur l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas n'a pas encore eu lieu. Et depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. Cette exposition est soit reportée, soit annulée. J'essaierai de vous tenir au courant, mais ça ne semble pas être possible que ça se réalise. Normalement, ces expositions auraient dû avoir lieu en avril 2020, mais vu qu'il y a eu le coronavirus, tout a été chamboulé. Allez, durant cette émission, nous écouterons une musique anglaise, une musique allemande, une musique serbe, une musique croate et une musique roumaine. Et on va d'abord débuter par la musique anglaise qui arrive maintenant. C'est Adji avec Dino Fit EO sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. C'est pour London. She feelin' my sound. I'm that light-skinned nigga that make them go down. Flex with me, they flex with me down. Money tall, she be making that P, I made pounds. Pounds, you never see me go down. We never F with them clowns. All that we do is make pounds, yeah. No answer, no point in telling. Look now, cause everyone's phoning me. These men, they're moving like pagans. Look now, cause no one is owning me. Get around where I come from. See me not just them, me love no one. See face get around where I come from. Born and raised in London. See face get around where I come from. See me not just them, me love no one. See face get around where I come from. From the south side of the sea, got a pen ting, yeah, you know sticking with me. Tell her come right now and gimme, gimme. Girl, you drop it down low and gimme, gimme. Yeah, one time. Baby, give it to me one time, cause you're too fine, only one time. Baby, hit me on the FaceTime, I'm mainline, yeah. No answer, no point in telling. Look now, cause everyone's phoning me. These men, they're moving like pagans. Look now, cause no one is owning me. Born and raised in London. See face, get around where I come from. See me not just them, me love no one. See face, get around where I come from. Born and raised in London. See face, get around where I come from. Just them, me love no one. See face get around where I come from. Around where I come from. Me and my guys come from a London. We reckless, we don't care about where you come from. If you come from the east or the south or the west, we don't care, we got protection like a condom. Ain't no other cities that can challenge us. Said we in the cars, we ain't on the bus. I said ain't other cities that can challenge us. Yeah. I saw my Brixton girl, I love the way she work. Cause she bad as ever, beautiful, she perfect. Just come over here, baby, don't be nervous, nah. Raised in a London, see face get around where I come from. See me not just them, me love no one. See face get around where I come from. Born and raised in a London, see face get around where I come from. See me not just them, me love no one. See face get around where I come from. Born and raised in a London, see face get around where I come from. See me not just them, me love no one. See face get around where I come from. Born and raised in a London. Adji avec Dino en featuring avec EO pour London sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Durant cette émission, nous verrons une ville suisse. Cette ville suisse, c'est soit Locarno, soit Lausanne, soit Zurich. Et je vous dirai quelle est la ville que nous verrons après la prochaine musique qui est italienne. Cette musique italienne fait l'état d'un premier indice quant à la ville que l'on étudiera après cette musique, qui est de Annalisa pour Il Mondo Plemadite sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. giorno capiremo chi siamo senza dire niente, sembrerà normale. Immaginare che il mondo scelga di girare attorno a un altro sole è una casa senza le pareti da costruire nel tempo, costruire dal niente come un fiore fino alle radici. È il mio regalo per te da dissetare, crescere. E siamo montagne a picco sul mare, dal punto più alto impariamo a volare. Poi ritorniamo giù, lunga discese pericolose, senza difese. Ritorniamo giù a illuminarci come l'estate che adesso brilla, come era il mondo prima di te. Siamo senza dire niente, niente di speciale. E poi ci toglieremo i vestiti per poter volare più vicino al sole. In una casa senza le pareti da costruire nel tempo, costruire dal niente. Siamo fiori, siamo due radici che si dividono per ricominciare a crescere. E siamo montagne sul mare, dal punto più alto impariamo a volare. Poi ritorniamo giù, lunga discese pericolose, senza difese. Ritorniamo giù a illuminarci come l'estate che adesso brilla, sempre ti chiedo di entrare all'ultima festa nel mio primo amore. Poi ritorniamo giù, lungo discese pericolose, senza difese. Ritorniamo giù a illuminarci come l'estate che adesso brilla. C'était Annalisa pour El Mondo Prima di Te sur Radio Paget dans le Nouvel Espérateur. Et la ville que l'on verra, c'est Locarno. Locarno, 2300 heures d'ensoleillement par année et une église construite après une apparition de la Vierge Marie. Voilà Locarno, la ville qui bénéficie du climat le plus doux de Suisse. Elle s'étend sur la rive nord du lac Majeur. Et qu'est-ce qu'on peut faire à Locarno? À Locarno, il y a le Cardata Semeta. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est le funiculaire qui emmène les habitants et les hôtes du centre de Locarno à Orsolina, à travers les gorges jusqu'à la station inférieure du téléphérique menant à Cardana. Le télésiège monte jusqu'à Semeta, à 1671 mètres, surplombant largement le lac Majeur. Ensuite, nous y sommes, le lac Majeur, ou Lago Maggiore, en Italiano. Eh bien, le lac Majeur, Lago Maggiore, s'étend de la Suisse italienne pour s'enfoncer loin dans le Piémont et la Lombardie en Italie, grâce à son climat doux, une végétation luxuriante, presque méditerranéenne. C'est développé sur ses rives, dans l'arrière-pays se dresse un univers de montagnes romantiques et sauvages, offrant des panoramas époustouflants. Et sur l'image d'illustration, nous pouvons voir des palmiers. Et je vous le rappelle, le site par lequel j'utilise les informations se nomme mysuitzerland.com. Je rappelle, c'est mysuitzerland.com. Et vous pourriez retrouver toutes les informations que je prends pour toutes les villes que j'ai vues durant cette série qui est consacrée à la Suisse. Ensuite, que faire ensuite? Il y a le château de Locarno. De 1513 à 1798, le château des Visconti était le siège des baillis. Entences. Eh bien, ce château est un musée archéologique avec des objets découverts dans la région de Locarno depuis la fin de l'âge du bronze jusqu'au haut Moyen-Âge. La collection de verres romains qui furent découverts au Tessin en constitue le clou. Riche assortiment de près de 200 objets, des documents sur la conférence sur le désarmement de Locarno en 1925 sont à voir au musée de la ville. Ensuite, que faire à Locarno? Il y a bien sûr une promenade autour du lac. Après cela, il y a la Piazza Grande. Piazza Grande, non, Pizza Grande. Enfin, ça, c'était la blague à ne pas faire. Donc, la Piazza Grande, avec ses arcades de style lombard, est une des plus grandes et renommées places de Suisse. Nous en avons fini avec la Suisse. Maintenant, nous allons démarrer avec une musique allemande. Cette musique allemande, c'est Crocero pour Einmal um die Welt sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Ost, West oder Nord, hab den Checkpoint an Bord. Will von hier über London direkt nach New York. Denn ab heute lebe ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Laufe durch den Park und werf mit Geld, als ob es Brot wäre. Yeah, nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos. Baby, ich erfüll dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach shoppen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein. Denn ab heute bist du mehr als an nur einem Ort daheim. Mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand. Können wir tun, was wir wollen und das Leben ist noch lang. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Sie will Kreditkarten und meine Mietwagen. Sie will Designerschuhe, davon ganz schön viel haben. Manolo Blahnik, Prada, Gucci und Lacoste. Kein Problem, mein Kauf, ich halt für deine Schuhe gleich ein ganzes Schloss. Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen. Und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte. Denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab. C'était Kro pour Einmal um die Welt. Kro, c'est un artiste allemand qui porte un masque dans ses musiques. Et en parlant des masques, nous aussi à la radio, nous en portons. Mais ce n'est pas la même chose, c'est des masques chirurgicaux. Donc, si nos voix ont l'air un peu bizarres par rapport à d'habitude, c'est à cause des masques en partie. Allez, ensuite, nous allons écouter une musique qui nous vient de Serbie. Cette musique serbe, c'est Adlana Sekic et Demir Lilovic pour Sipele sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Stavit ću sutra oglas u novine. Jedan čovjek sreću traži, spavao bi u garaži. Mu krevet, struja i prozori, samo si mu ti u glavi. Budi dobra pa se javi. Hey, zbog tebe ona s kojom živim tuguje i pije. Zbog tebe ona s kojom živim cipele mi krije. Pa pita zašto srca nemam dok se tebi spremam. sa stola sruši. Od kad se nije dobro naspavala, propadne joj noć u svađi, budi dobar pa je nađi. Hej, zbog tebe, onaj s kojim živim. C'était André Anastekic et Emir Dulovic sur le Fadjet pour Chipele. Et maintenant, c'est le tour de la musique croate. Cette musique croate, elle est interprétée par Nedeljko Bajic Paja. Et c'est Rojen Spreman sur le Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Thank you. pamtim reći oca svog, da obraz nema cenu. Ne sudi ljudima, nisi Bog, pronađi dobro u svemu. Ako možeš, pomozi, ako umeš, uradi, a kad voliš, voli srcem. To što imaš, čuvaj, ne laži, ne kradi i traži mesto pod suncem. Nisam birao datum, ni mesto rođenja, poreklo ni gene, a sam znao šta hoću i znao da ti si prava za mene. Ovaj život me uči i danas da imam, a sutra da nemam. Za svoju sudbinu ja rođen sam spreman, rođen sam spreman, spreman na sve, osim da ostanem bez tebe. C'était Nelly Corbalik Baja pour Roger Strunan sur The Fudget dans Le Nouvel Explorateur. Et nous allons maintenant passer à la dernière musique de l'émission qui est roumaine. Cette musique elle est interprétée par Kalar's Dreams. C'est Acele sur The Fudget dans Le Nouvel Explorateur. Et c'est aussi la dernière musique de l'émission de cette semaine. Allez, Kalar's Dreams pour Acele sur The Fudget dans Le Nouvel Explorateur. C'est maintenant. Arzântă iarăși de el, din altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui. Și mai am amintit, el încearcă să aprindă în mine tot ce arzi deja și n-o să mai poată să ardă. Acele tale îmi fac tatuaje, s-o piele îmi schimbă sângele-n vene și-aș vrea să mă trănim în doi. Acele tale îmi fac tatuaje, s-o piele îmi schimbă sângele-n vene și-aș vrea să mă trănim în doi. Vină, e greu să împarți la doi. Toți în tine, eu în șir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine. Și mai am amintit, el încearcă să aprindă în mine tot ce arzi deja și n-o să mai poată să ardă. Acele tale să mă temim îndoi. Acele tale îmi fac dată s-o piele, îmi schimbă sângele în vene. Și-aș vrea să mă temim îndoi. Și îți doresc, de fapt nu, eu nu-ți doresc să fii în locul meu, să simt ce simt acum cât te privesc și să te rușinezi aflând cât tare te iubesc fără interes. Dar cu fantezii, nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume. Acele tale îmi fac tatu, s-o piele, îmi schimbă sângele-n vene. Și-aș vrea să îmbătrânim în doi. Acele tale îmi fac tatu, s-o piele, îmi schimbă sângele-n vene. Și-aș vrea să îmbătrânim în doi. Acele tale îmi fac tatu, s-o piele, îmi schimbă sângele-n vene. Și-aș vrea să îmbătrânim în doi. Acele tale îmi fac tatu, s-o piele, îmi schimbă sângele-n vene. Și-aș vrea să îmbătrânim în doi. C'était Caralas Dream pour Achele sur The Project dans le Nouvel Explorateur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la, mise, pour la prochaine émission de radio. Elle sera sur la ville de Haro. A-A-R-A-U. Haro. Allez, on envoie bientôt le jingle. Ce jingle va arriver dans 3, 2, 1...